Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de Plusieurs sur l'antenne du 94 MHz, émission également écoutable, podcastable avec les playlists et puis pas mal de liens à partir du blog asile35.blogspot.fr. Possibilité d'ailleurs de s'abonner au podcast à partir notamment de PodCloud. Et l'émission L'Asile le plus sûr, comme chaque semaine, a toujours un peu de mal à trouver un morceau d'introduction. Donc, pour corriger le tir cette semaine, je propose de démarrer avec une sonnerie de téléphone. Et pas n'importe quel téléphone, puisqu'il s'agit de celui de votre serviteur. Il s'agit du titre de Irène, bien sûr. Irène, qui était un quartet de sax, guitare, batterie hexagonale qui existait au début des années 2000. Ils avaient sorti un premier EP sur le label Carton, la division Noise, on pourrait dire, du collectif Quax, qui s'en était suivi aussi un CD aux mêmes éditions Carton en coproduction avec Quax Records. Et puis Irène, c'était bien évidemment la rencontre entre les sax de Clément Edouard de Lunatic Toys, Polymorphy, Snap et autres loups, Johan Durand également aux différents sax, et Julien Després à la guitare, Sébastien Brun à la batterie du même label Carton Records. Le producteur donc était à la batterie. Ils avaient joué, je crois, vers 2012, à l'automne 2012, dans un petit club du boulevard de Verdun à Rennes qui répondait au nom de La Bascule. On écoute donc ce morceau qui est la sonnerie de mon propre portable. On écoute le morceau, bien sûr, par Irène, et bien évidemment je ne vous donnerai pas mon 06. We'll be right back.

Démarre l'asile le plus sûr avec ma propre sonnerie de portable avec ce morceau bien sûr du combo Irène, combo désormais défunt. Ils ont fait juste un EP, un album, puis ils s'en sont allés. Peut-être qu'il y aura une ressucée de Irène d'ici quelques années. En tout cas un titre qu'on retrouvait sur leur premier EP, il y a une version un tantinet différente, un poil plus enlevé, dans une tonalité un peu autre, tonalité qui est un peu moins appropriée pour la sonnerie de mon portable. Donc le titre Irène de cet album, de ce EP Irène bien sûr, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur leur Bandcamp. Excellente formation donc de messieurs Julien Després guitare, Sébastien Brun batterie, Johan Durand et Clément Edouard au double sax. On a enchaîné avec le Liken Gumbo, formation finlandaise que je découvre avec ce premier album long. Ils avaient sorti déjà deux EP en 2012. Apparemment, ils existent depuis la fin des années 2000. Ils vivent du côté de Vantaa, qui est dans la banlieue de Helsinki. Donc, pas du tout les scènes de Turku et Tampere, bien connues dans l'acid folk expérimental. Pourtant, ça confine un peu dans ce registre un peu psychédélique, un peu lo-fi pour la musique de messieurs Olli Aarni et Ville Oinonen. Un disque qui vient tout juste de paraître sur le label belge Aguirre Records sous le titre Boilin. Aguirre Records qui est un label assez prolifique. On a pu découvrir notamment ces derniers mois sur ce même label des formations tout aussi intéressantes intéressantes que surprenantes. Je pense notamment au disque de Branden Schnur, par exemple, pour ne citer que cela. Et puis pas mal de rééditions aussi sur Aguirre Records, notamment des rééditions des musiques minimales répétitives de l'époque du label hexagonal Chandar. D'ailleurs, le mois prochain, Aguirre Records remet le couvert avec le fameux Strumming Music de Charlemagne Palestine. Et puis également une bande de la formation de folk un peu dada expérimental Enet for Free Music qui sort aussi ces jours-ci sous le titre Inom Dig, Inom Mig. Voilà donc pour cette formation suédoise et ce groupe Liken Gumbo et cet excellent premier album sorti en vinyle sous le nom de Boilin, musique un peu aquatique dans le côté électronique et puis aussi un peu synthwave sur le titre qu'on entendait. Les autres sont tantinets plus lo-fi expérimentaux. Il y a des choses vraiment très très belles sur cet album de Liken Gumbo, également de la guitare filtrée dans tous les sens. Voilà pour le Boilin de Liken Gumbo. On va continuer avec une formation cette fois-ci d'Angleterre qui répond au nom de Zoff avec 3 F parce que 2 ne suffisaient pas, qui est une jeune formation mais qui réunit des vieux briscards de la scène psychédélique britannique en son sein, notamment des gens des formations Les Cardiacs par exemple, notamment Brick Ice à la guitare, Chris Anderson basse et clavier, Dame Waters aux différentes percussions et Al Strachan au synthétiseur modulaire et autres trompettes. Donc une formation toute nouvelle de ses membres de Cardiacs, également de Lévitation et de Dark Star. Voilà donc qui vient de sortir ce premier disque éponyme sur le label Deep Distance à la fin du mois de janvier. Donc Zoff, qui est une belle ressucée de pas mal de trucs un peu kraut qu'on a pu entendre depuis une bonne quarantaine d'années, mais c'est plutôt assez bien mené. On écoute un extrait de cette très très longue pièce qui dure pas moins de 38 minutes, extrait de ce premier album éponyme de Zoff.

l'instant, l'Asie de l'Obscur, une bonne tranche de rigolade qui a démarré avec la formation britannique ZOF en 5 lettres et 3 F, ZO 3 F, et ce disque éponyme publié par l'excellent label Deep Distance. C'est sorti à la fin du mois de janvier pour cette formation de vieux briscards de la scène psychédélique britannique qui existe depuis quelques années, qui a dû faire les beaux jours des festivals psyché de la côte sud de la perfide Albion. Voilà donc pour cette session de pas loin de 40 minutes, un long titre, une jam en fait, pour ces quatre musiciens de la formation ZOF, qui étaient enchaînés avec un très très vieux groupe, un peu les fondateurs de l'industriel, de la musique industrielle outre-Rhin. Il s'agissait bien évidemment de Die Todliche Doris et leur premier LP éponyme qui était sorti à l'époque au mois de mai 1982 sur étiquette Zigzag, qui va être réédité le mois prochain par un label qui répond au nom de États-Unis, sur lequel se prépare pas mal de choses assez chouettes. Donc ça sort fin mars, cette réédition de Die Todliche Doris, un LP qui n'avait pas été réédité à l'identique depuis cette époque. Alors je sais pas s'il va sortir avec le livret de pas moins d'une vingtaine de pages et cette excellente pochette avec, on pourrait dire presque, ce portrait de Pénélope en sous-vêtements à côté d'un arbre de Noël un peu bizarre. Voilà donc pour cette formation qui avait démarré à Berlin au début des années 80, formée par des étudiants en art, notamment Wolfgang Müller et Nikolaus Uttermolen, qui avait été rejoint par plusieurs personnes, notamment l'étudiante en art Chris Dreyer et aussi Dagmar Dimitrov, formation qui s'est éclipsée en 88 et qui a sorti pas mal de choses, plutôt des cassettes. C'était l'époque des cassettes aussi en Allemagne. Pas mal de gens ont gravité autour de Die Todliche Doris, avec comme toujours donc des productions assez artisanales, groupe assez mythique dont on ne parle pas assez, et des titres réédités ces dernières années, notamment aux éditions Vinyle en demande, qui a réédité des 45 tours, des maxi, et puis aussi pas mal de titres égarés de Die Todliche Doris. Voilà pour l'album Avec les guillemets, c'était comme ça qu'il s'appelait à l'époque, c'est qui était sorti sur Zigzag, donc en 1982. On va continuer avec une formation nettement plus récente, celle-ci. Il s'agit de l'excellent No UFOs, projet canadien, version Amérique du Nord, avec un premier album qui vient tout juste de paraître. C'est sorti au début du mois de février sur l'excellent label Route Strata, qu'on n'avait pas écouté depuis un petit moment. Enfin, on n'avait pas écouté leur production depuis un petit moment, donc qui édite ce New LPs for RS par No UFOs, le projet de Conrad John Days, qui est un Canadien qui officie notamment sur Synthé Analogique, pas mal de bidouilleries avec un esprit assez bizarre. Les compositions sont vraiment très très biscordues sur ce premier LP de No UFOs, qui avait sorti précédemment principalement des cassettes, des maxi et puis des éditions un peu limitées. On écoute un titre de cet excellent album de New UFOs, le New LP for RS, et le titre Apocryphical Blues. Thank you. suite dans l'asile le plus sûr avec trois séquences assez abrasives pour tirer les marrons du feu. Vu qu'on est encore en hiver, on a démarré avec le projet No UFOs, ce projet canadien. Alors je vous ai raconté une belle connerie en vous disant que c'était le premier album long de ce projet de Conrad Jadhav, mais pas du tout. Ce disque New LP for RS fait suite à un premier vinyle qui était sorti sur Spectrum Spools, donc son premier disque officiel était sorti il y a de ça 10 ans pour ce canadien électro-acousticien. Ce disque aux éditions de monsieur Jeffrey Cantu Ledesma, Lex Tarantelle et autres The Alps, fait suite après 7 ans à ce premier opus sorti au début des années 2010. Alors comme j'avais pas écouté le premier, je ne vous en parlerai pas. Voilà, on a enchaîné avec la musique de la parisienne Floy Crucci, alias Dr. Floy ou Dr. Floy, alias aussi le Dain Magnétique, qui est une bassiste et électro-acousticienne que vous pouvez retrouver sur cette compilation pour le moins dantesque publiée très très récemment aux éditions Ile Tapes, qui est un label parisien qui sort pas mal de choses plutôt dans le domaine des musiques ambiantes et toujours en cassette, qui vient de sortir cette compilation 100% féminine et non binaire sous le titre Self Identified Non Male Artiste. Excellent projet que cette bande qui réunit pas moins d'une quarantaine de femmes électro-acousticiennes du monde entier, quasiment que des gens, que des inconnus en fait, sur cette compilation triple cassette qui vient tout juste de paraître avec un fanzine. Alors c'est en édition très très limitée, à peu près une cinquantaine d'exemplaires pour cette excellente cassette aux éditions Ile Tapes sous le titre donc Self-Identified Non-Male Artist Making Experimental Electronic Music, et c'est écoutable bien évidemment sur internet à partir du bandcamp de Ile Tapes par exemple, et vous pouvez aussi les contacter si vous voulez vous procurer les morceaux numérisés de cette compilation. Il y a pas mal de choses à découvrir, je l'ai écouté 2-3 fois pour l'instant, c'est une compilation assez fleuve avec beaucoup de très très bonnes choses dans des registres autant électro un peu contemporain mais pas tant que ça, plutôt de l'expérimentation sonore tous azimuts, tant de l'ambiante que de l'électroacoustique, comme le morceau qu'on entendait Chute numéro 1 de cette fameuse Floy Crucci, qui a sorti également des choses qui sont écoutables sur son bandcamp. C'est Floy, Floy, crucci.bandcamp.com pour écouter la musique de cette bassiste parisienne qui fait pas mal d'électronique dans le domaine expérimental. Et on a terminé avec le projet Muderstein, qui est une formation qui réunit pas mal de Norvégiens, notamment des gens qu'on connaît depuis quelques années pour les avoir vus passer sur des enregistrements de l'excellent label Sofa, dont s'occupe le percussionniste Ingar Sash depuis quelques années, aux côtés de Ivar Grideland d'ailleurs. Et dans Muderstein, on y retrouve notamment Martin Taxt, le tubiste qu'on avait vu aussi à Rennes il y a de ça quelques années, tubiste qui est dans un registre plutôt microtonal, pas du tout du tuba poète-poète. Et on le retrouve aussi dans le projet Flimodus aux côtés de son camarade Havard Volden qui est de la partie pour ce projet Mudderstein. Et lui joue de la guitare et des loops et ils sont aux côtés d'un performeur électroacousticien un peu plus méconnu. Pourtant il joue aussi dans pas mal de projets de la scène norvégienne, de la nouvelle scène norvégienne improvisée et expérimentale, Henrik Olsson, notamment au sein des Shérifs, le projet qui le réunit aux côtés de Magnus Grandberg. Alors cet excellent disque de Mudderstein, alors c'est leur troisième à ce jour, ils avaient sorti non deuxième disque à ce jour et celui-ci s'intitule Carpat Coque. Il est sorti donc sur Sofa, toujours en mixage son par Lasse Marog. Excellente production de Lasse Marog et la pochette est signée par Rutger Zuidevelt. Monsieur Machineux fabrique l'ensemble de cet album est évidemment très très recommandable, une excellente recherche sonore par ces musiciens norvégiens. Voilà, on va continuer avec tout autre chose et cette fois-ci du jazz plutôt free avec le projet de Peter Van Huffel, saxophoniste ancien élève de Tony Malaby qui a ce projet Gorilla depuis quelques années. Il a déjà sorti deux autres albums que celui-ci qui vient tout juste de paraître aux éditions Clean Feed, ce Gorilla Mask Iron Lung, et on le retrouve aux côtés de Roland Fidesius à la basse et de Rudy Fischer-Lehner à la batterie, et ça envoie du petit bois. On écoute le titre qui démarre cet excellent album de Gorilla Mask Iron Lung. Thank you. séquence de punk jazz dopé au Gueronzan qui a démarré avec le projet du saxophoniste canadien Peter Van Huffel et son Gorilla Mask avec ce nouvel album, ce nouvel opus aux éditions portugaises Clean Feed sous le titre Iron Lung. Excellent projet et très très beau disque pour les Gorilla Mask qui sont de retour donc avec ce troisième opus en date qui était enchaîné avec là encore un troisième album pour la formation norvégienne Crocophant. Vous avez passé les deux précédents, le premier qui était vraiment fantabulesque, le deuxième un tantinet un poil en dessous, mais le troisième est tout aussi prometteur et ça sort comme de juste comme les deux premiers aux éditions d'Oslo Rune Gramophone pour ce projet Crocophant qui réunit des musiciens au nom totalement imprononçable et norvégien comme Jørgen Mathisen au saxophone, Tom Aslan est à la guitare et Axel Skalstad est à la batterie, comme quoi c'était pas si épouvantable que ça. La pochette est signée Kim Hjortøy. Voilà donc pour ce disque de Crocophant, ce troisième album publié par Rune Gramophone, le label de Rune Christoffersen. On va continuer toujours dans le jazz free avec un disque sur le label polonais Not Too, un CD qui réunit le saxophoniste, l'excellent saxophoniste d'origine lituanienne mais qui vit au Danemark, Liudas Mokunas, qu'on a déjà rencontré notamment pour des disques aux éditions No Business Records comme de juste, puisque c'est aussi un label balte et ses compatriotes. Et Liudas Mokunas est aux côtés de Rafal Mazur à la contrebasse, l'excellent Rafal Mazur, et à la batterie c'est le non moins excellent Raymond Strid pour ce disque Live in Divadlo 29 publié par les éditions Not Too Records, un CD qui vient tout juste de paraître que je propose d'écouter en son morceau introductif. On écoute Liudas Mokunas. Thank you. Thank you. Un bon aperçu de cet excellent disque du saxophoniste Judas Mokounas aux côtés du contrebassiste Rafal Mazur et du percussionniste Raymond Strid avec ce live au théâtre d'Ivadlo de Prague publié par l'étiquette Note2. Voilà, l'émission L'Asile le plus sûr est quasiment terminée. Le temps de vous rappeler que ce programme est entièrement podcastable, réécoutable à partir de son blog asile35.com. blogspot.fr. On se quitte dans un instant avec un dernier morceau. Juste le temps de vous donner une info concert avec cette soirée ne pas manquer ce vendredi 3 mars à Rennes avec cette soirée au Marquis de Sade programmée par l'Assaut Alambic qui invite ou réinvite le cercle des Malissimalistes de Bordeaux ainsi que Vinny Van Malas exilé à Charleroi qu'on n'a plus trop l'occasion de voir à Rennes. Donc c'est ce vendredi 3 mars qui sera suivi dimanche d'une autre soirée où on pourra retrouver le belge Le Ton Mité, formule à 4 musiciens, nous dit-on, et aussi un jeune duo de Rennes qui répond au nom de Bip 3. Tout ça est à 5€ et le concert de dimanche se passe au Terminus Bar, donc à partir de 20h. On se quitte avec un dernier titre et la rencontre entre l'électroacousticien parisien François Bonnet, alias Cassel Jagger, qui a pas mal de disques à son actif, notamment aux éditions Mego et aussi Senufo, également des disques aux côtés de Oren Ambarchi sur étiquette Black Truffle, et donc c'est tout naturellement qu'il rencontre Jim O'Rourke sur ce tout nouvel opus qui vient tout juste de paraître des éditions Mego sous le titre Wakes on Cerulean, une musique électro-acoustique pour le moins exploratoire que je propose pour se quitter cette semaine et en laissant la place bien évidemment aux camarades de Zion Highway. Je vous tire ma révérence, je souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you.

Yeah.